إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد تقبل الله منا ومنكم أيها المسلمون ونرجو أنكم استرحتم في بيوتكم مع أهليكم في هذا اليوم العظيم كالله تبارك وتعالى أكسبت nos œuvres pieuses ainsi que les autres, ainsi que les vôtres, ô chers musulmans. Et j'espère que vous avez pu vous reposer avec vos familles durant ce jour grandiose et si important. Fekod Ekmelna Shahr Ramadan. Nous avons donc fini le mois de Ramadan, on a jeûné le mois du Ramadan. وشهر رمضان شهر مدرسة et le mois de Ramadan c'est un mois d'enseignement. Comme on l'a vu plusieurs fois, كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés d'avant vous afin que vous atteigniez la piété. فالصيام فرمضان مدرسة. Et donc le mois de Ramadan est une école, c'est un enseignement afin qu'on atteigne la piété. فالمسلم يستفيد من هذه المدرسة في حياته كلها. لا في رمضان فحسب. Le musulman il profite de cet enseignement durant toute sa vie, pas que durant Ramadan. وَمَنْ تَأَمَّلَ فِي النُّصُوصَ الْوَارِدَةِ فِي رَمَدَانْ وَجَدَ فِيهَ دُرُوسًا كَثِيرًا. Celui qui médite quant aux textes qui ont été rapportés sur Ramadan, il trouve énormément de leçons. فَسَنَذْكُرُ بَعْضَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ وَفِي الْخُطَبِ التالية إن شاء الله تعالى. Donc nous allons citer certaines de ces leçons durant cette khutbah et quelques khutbah à venir إن شاء الله تعالى afin qu'on puisse bien tirer des profits et des leçons de ce qui s'est passé durant ce mois béni. أيها المسلمون أمرنا الله تبارك وتعالى بتوحيده وإخلاص الدين له. Ô chers musulmans, Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de lui accorder un culte exclusif, de l'adorer lui seul. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بهذا الأمر العظيم في شهر رمضان. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il nous rappelle ce sujet si important durant le mois de Ramadan. كما في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه comme dans الصحيحين. Celui qui jeûne Ramadan en ayant la foi et l'espérance, ses péchés passés lui seront pardonnés. La foi en Allah tabaraka wa ta'ala seul, espérant la récompense d'Allah seul. فأنت لا تصوم لأحد. Tu ne jeûnes pour personne. Tasoumu lillahi wahda. Tu jeûnes pour Allah seul. Wa kadhalika fi sahihayn an Abi Hurayrah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anna Allah tabaraka wa ta'ala qala yatruku ta'amahu wa yatruku shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Et aussi dans sahihayn selon Abi Hurayrah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, que Allah tabaraka wa ta'ala dit, il délaisse ses désirs et sa nourriture pour moi. C'est-à-dire pour Allah tabaraka wa ta'ala. فمن أراد أن يستفيد من هذا الشهر لا بد أن يخلص النية لله. Et donc celui qui veut vraiment profiter de ce mois doit accorder à Allah tabaraka wa ta'ala un culte exclusif. فكذلك نقول لإخواننا الذين صاموا في هذا الشهر وقاموا فيه مخلصين لله تبارك وتعالى نقول لهم كما فعلتم في رمضان فافعلوا في الأشهر الأخرى. Alors nous disons à nos frères, ceux qui ont jeûné pour Allah, ceux qui ont prié la nuit pour Allah, nous leur disons de la même façon que vous avez fait durant ce mois de Ramadan, faites-le durant les autres mois. Accordez à Allah tabaraka wa ta'ala un culte exclusif. La takum bi ibadatin wahida li ghayrillah. N'accomplis aucun acte d'adoration pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Wafkum. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Rappelez-vous la parole du prophète صلى الله عليه وسلم selon son seigneur qui dit je suis celui qui se passe le plus du shirk, du polythéisme, de l'association. Celui qui accomplit un acte dans lequel il m'associe à un autre, je le délaisse lui et son association. Je le délaisse lui et son association. Izan la tushrik billah ayyuhal muslim. Et donc, ne fais pas de polythéisme, ô musulman. Éloigne-toi de tout cela. ومن أنواع الشرك تعلق التمائم. Il fait partie des formes de polythéisme, le fait d'accrocher des amulettes. Comme on voit dans beaucoup de maisons, la main de Fatma. On le voit. Tu vois des frères qui parfois t'invitent à la maison, Jazahumullah khairan. Tu arrives à la maison à l'entrée, main de Fatma, direct. Pourquoi ? Il faut protéger la maison ? C'est la main de Fatma qui protège la maison ? هذه هي التي تحفظ البيت وتحفظ الأولاد أو الله تبارك وتعالى وحده يحفظ عباده ولو سي الله seul qui protège ses serviteurs. أخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك. الإمام أحمد a cité dans son مسند que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accroche une amulette a fait du polythéisme. Celui qui accroche une amulette a fait du polythéisme. Et donc, oh chers frères, nous devons tirer des leçons de ce mois béni et les appliquer durant les autres mois. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إذا فهمنا أهمية التوحيد ننطلق إلى مسألة أخرى عظيمة كذلك. Si on a compris l'importance du tawhid, alors on va aborder maintenant un autre sujet très important. Min usuli dinina, faisant partie des fondements de notre législation. Wa shahru Ramadan yudhakkiruna bihi et le mois du Ramadan nous rappelle ce point si important. Et là, ce point très important, c'est l'union, l'amour, la fraternité. Nam, la base dans le tawhid, c'est l'union. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Les gens formaient, au début, les gens formaient une seule communauté. Alors Allah a envoyé des prophètes annonçant une bonne nouvelle et mettant en garde contre un châtiment terrible. المراد هنا أيها الإخوة أن الناس كانوا أمة واحدة ثم جاء الشرك ففرقهم فأرسل الله الرسل. Ce qui est voulu dans ce verset, oh chers frères, c'est que les gens à la base, ils formaient une seule communauté. Ils étaient unis tous ensemble avec le tawhid à adorer Allah seul. Puis le polythéisme est rentré dans les rangs. Alors cela les a divisés. Puis Allah a envoyé ses prophètes pour rappeler les gens à la vérité. Il y a en cela déjà une réplique à ce qu'on entend beaucoup, beaucoup dans les médias à notre époque. Les religions ont divisé les gens. Ce sont les religions qui divisent. Cela est faux. Cela est totalement faux. La religion musulmane appelle à l'union qu'il y avait à la base. Quand tout le monde n'adorait que Allah seul. Et donc, le mois de Ramadan nous appelle à cette union, ô chers frères. Yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, soumou li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jeûnez lorsque vous le voyez, c'est-à-dire le croissant lunaire. Rompez le jeûne lorsque vous le voyez. Fal muslimun yajtami'un, les musulmans s'unissent. Yasumuna fi waqtin wahid, ils vont jeûner au même moment. Yuftiruna fi waqtin wahid, ils vont rompre au même moment. Yajtami'una fi hadhihi al-ibad, ils s'unissent dans cet acte d'adoration. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yahuthuhum ala al-ijtima' akthar fa akthar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les pousse à l'union encore plus. Il leur dit: من صلى خلف إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. Celui qui prie derrière son imam, on est toujours pendant Ramadan, celui qui prie derrière son imam jusqu'à ce que celui-ci parte, alors il lui sera écrit la récompense de celui qui a prié toute la nuit. النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم, le prophète il les incite. Le fait d'accomplir les actes d'adoration ensemble, de s'unir. وَذَكَرَ فَضْلُ إِفْطَارِ فَضْلُ إِطْعَامِ الصَّائِمِ. Il a cité les mérites quant au fait de nourrir le jeûneur. وَهَذَا مِمَّا يُكْثِرُ الْمَوَدَّةَ وَالْأُلْفَةَ فِي الصُّفُوفِ. Et cela fait partie des actes qui vont augmenter l'amour, la fraternité dans les rangs des musulmans. فهذا الشهر أيها الإخوة يحثنا على الاجتماع. Ce mois nous pousse à l'union. Et on l'a vu, tous les musulmans veulent que leurs péchés leur soient pardonnés durant ce mois. Tous. Et on a déjà vu, oh les frères, pendant les cours à la mosquée. أن الشحناء من الأسباب المانعة من مغفرة الذنوب. Les conflits font partie des causes qui empêchent le pardon des péchés. Tu'radul a'mal yawm al-ithnayn wa al-khamis. Les œuvres sont présentées le lundi et le jeudi. Fayughfaru li kulli imri'in lam yushrik billahi shay'a. Alors il est pardonné à tout individu qui n'accorde à Allah aucun associé. Illa mu'am baynahu wa bayna akhi shahna. Sauf celui qui a entre lui et son frère un conflit. فَيُقَالْ أَنْذِرُ هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. أَنْذِرُ هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. Alors il sera dit, laissez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Laissez ces deux-là attendre jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. أيها الإخوة، الشرع يحثنا على الاجتماع، هذا من أصول ديننا. Notre religion nous appelle à l'union, cela fait partie des fondements de la religion. Voilà pourquoi un des grands savants de l'islam, Al-Qadi Iyad, il nous cite une phrase très importante. Il nous dit, oh chers frères, dans son explication de Sahih Muslim, Ikmal al-Mu'lim bi fawa'id Sahih Muslim, il nous dit, wal ulfatu ahadu fara'id ad-din wa arkan ash-shari'a. Al-ulfa, l'union, ainsi que l'amour, fait partie des obligations de la religion et fait partie des piliers de la législation. Et pour finir, mon cher frère, on va méditer sur la situation des musulmans actuels, la faiblesse que nous avons, la faiblesse qu'ont les musulmans actuellement. Certains pensent que ce sont les mudaharat, les manifestations qui vont nous aider à sauver nos frères en Palestine ou ailleurs. Ayyou al-Ikhwa, on a vu deux fondements ici. On a vu deux fondements dans cette khutba. On n'en a pas vu beaucoup, juste deux. On s'interroge tous. Combien de men fatna sont propagés fi bouyouti muslimin? Combien? Fi França, wa fi bilad muslimin. Kam min kuburin tu'bad sidi foulan wa sidi foulan. Combien de tombes sont adorées, si dit un tel et un tel. Le premier fondement qu'on a cité, Tawhid, l'unicité. Le deuxième, l'union. Où est la communauté musulmane de l'union, de ce principe fondamental de notre législation. Ayyou al-Ikhwa, alayna an nadhkura qawla Allah tabaraka wa ta'ala, in tansurullaha yansurkum. Si vous secourez la religion d'Allah, il vous secourra. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأولادنا وأن يحفظ هذه الأمة وأن يجمعهم على الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.